Guillermo Guise. Salut les amigos, ouais. J'ai un super truc à vous annoncer. Quoi, ton blanchiment des dents? Ah, pas du tout. Quoi que ce serait pas un luxe, hein, surtout si je vais enfin le tourner mon biopic sur Jean-Marc Morandini. Là, je cherche mes rôles secondaires en camp scout. Eh ben, les gens te réclament des sommes. Incroyable. Coyote Frigide, il a même pas tourné dans une pub qui rit. Il veut déjà un cachet à la Richard Anconina. Non, mais mon annonce, c'est que samedi soir, je serai en direct sur France 2. Là, il y a Nagui qui se fait comment ça? Comment ça parle, fils de pulpe? Alors, relax, Nagui, rangez-moi ce tison. Non, je vais dans l'émission d'après chez Laurent Ruquier. Vous voyez l'émission qui commence le dimanche matin? Je viens parler de mon nouveau livre, En finir avec les kilos en trop, grâce à la technique révolutionnaire dite du décès. C'est vrai, on n'y pense pas, mais quand tu meurs, tu élimines v'là les mauvaises graisses. Non, mais je viens pas d'anti-artiste, Nagui. Quoi qu'il y a une période de ma vie, j'aurais pu en rêver, vraiment. Moi, j'ai eu un groupe. Je vous promets, ça s'appelait Émile et Émile. C'était un cover band. C'était un cover band d'Émile et Images et de Émile Louis. Tu vois, on jouait que dans des terrains vagues. C'était une très belle aventure. Mais non, mais blague à part, non, c'est un truc que je raconte pas souvent, mais c'est vrai, avec mon meilleur ami, on a vraiment eu un groupe. Il y a une quinzaine d'années, tout, un duo, c'est lui à la guitare et moi au chant et tout. Et on n'est pas passé si loin d'une carrière. En kilomètres, je dirais 1 million. On est passé à 1 million de kilomètres d'une carrière. Je connais un chevreuil qui est passé plus près d'une carrière, vraiment. Et au final, on a fait un duo avec M. Très beau clip dans un sous-bois. Mais nous, c'était compliqué de percer. Mon pote, il connaissait vaguement deux accords. Moi, je chantais vraiment comme une patatos. Pourtant, dans nos têtes, on était vraiment Simon et Garfunkel. Je te jure, il y a des enregistrements qui existent. On enregistrait dans le studio d'un copain. Il y a vraiment des bandes qui existent. Quoi. Je les ai cachées dans un coffre à la banque. Si quelqu'un tombe dessus, je me barre au Venezuela, je reviens jamais. Je crois que j'ai moins honte de mon selfie avec Pierre-Jean Chalençon, vraiment. Et pourtant sur la photo, je fais une quenelle et lui fait un West Side. Tu vois, vraiment, donc vraiment, j'ai vraiment honte. Mais à l'époque, on était fiers de nos chansons. Je me rappelle, on était vraiment fiers des chansons. Je vous promets, j'avais une pote dont j'étais vraiment amoureux de ouf et tout, et qui voulait pas de moi. Et un jour, elle accepte enfin de passer boire un verre à la maison. Et je me dis, c'est quoi, c'est mon moment. Je vais lui sortir ma boîte secrète et je lui fais, je peux te faire écouter un truc? Bah, on est resté potes. Hein. Je crois qu'il y a eu un tsunami de malaise. Vraiment, je crois qu'elle a perdu 11 cils. Vraiment, je crois que deux villes plus loin, il y a des gens qui ont ressenti du chagrin. vraiment, la pauvre, je la lâchais pas. En plus, j'étais là, mais non, j'en ai une autre. Hein. C'est vachement plus politique, ça s'appelle peine de mort. Vraiment, tu vois, c'est sans concession. Mes textes, ils étaient claqués au sol. T'écoutais mes chansons, tu priais pour entendre Renaud. Vraiment, tu sais quoi, coronavirus, connard de virus, jamais j'ai rien écrit d'aussi fort. Quoi. Et ça a toujours été une sorte de fantasme, la musique. Ado, moi, je voulais être batteur, comme Moulinex. Et bah ouais, en même temps, je me suis lancé dans l'humour entre temps. Voilà, c'est comme ça. Quoi, batteur Moulinex? Qu'est-ce qu'il y a, batteur Moulinex? Dans deux générations, on parlera encore de cette blague. En interview, on me dira le retour du jeu de mots, ça a commencé quand, vous pensez? Moi, je sais pas, septembre 2016, dans le 16e arrondissement. C'est vrai, à 15 ans, je prenais des cours de batterie. Tu vois, je rêvais vraiment de ça, littéralement. Quoi. Genre, une nuit, j'ai rêvé que j'étais à un concert des Stones. Et genre, Charlie Watts, il arrive pas, je vous crois. Et il y a Mick Jagger, il fait: quelqu'un sait jouer de la batterie? Moi, je dis: ouais, moi, il me fait Ernesto, viens. Parce que Mick, je le connaissais des soirées. Bien sûr. Et dans mon rêve, je commence à jouer avec les Stones devant 80 000 personnes. Sauf que je jouais avec mon vrai niveau de batterie. Que ça faisait I can get. Non, moi, satisfaction. La même honte que maintenant. Mais ouais, je comprends pas mon cerveau. Pourquoi dans mes rêves il met pas du talent? Tu vois, qu'est-ce que ça lui coûte à mon cerveau? Franchement, parce que là, dans mon rêve, Jagger il m'a jamais rappelé quoi. Donc voilà, je viens pas dans The Artist, je vais dans On est en direct samedi parce que pour mon spectacle, et je suis tendu parce que c'est en direct. Et il y a une toute petite partie de moi qui se dit quand même: et si je faisais une dinguerie? Vraiment, franchement, je pourrais faire un coup d'éclat, non, en direct. Oui. Je pourrais brûler un billet de 5 euros, comme Pierre Rabhi. Tu vois, vraiment, ça lancerait ma carrière, tu vois, ou faire l'hélicoptère. Mais je me suis dit plein de fois, ça aussi, à la bande originale, je me suis dit, pourquoi pas, je ferais un truc vraiment fou, quoi. Tu vois, genre, une vraie fan chronique, mais... Allez, bonne émission, les amis. Merci, Yabou.